Qu'est-ce tu veux que je te dise? Boulot. On s'est foutu dans un beau petit trou. Maintenant, y a plus qu'à en profiter jusqu'à en crever. Qu'est-ce tu veux que je te dise? Boulot. On s'est foutu dans un beau petit trou. Maintenant, y a plus qu'à en profiter jusqu'à en jusqu'à en crever. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?